ma tête, c'est le chaos. Je ne distingue plus le bas du haut. Je ne sais plus où j'en suis. C'est la tempête dans mon esprit. Plus j'avance et plus je me perds dans cette traversée du désert. Je ne sais pas où je me rends. Je m'éparpille aux quatre vents. J'aimerais parfois savoir qui je suis. J'aimerais savoir ce que je fais ici. Ai-je tort ou bien ai-je raison? Je suis là de prendre des décisions. Impossible de savoir ce que j'aime. Suis-je plutôt doux ou plutôt extrême? Mon cœur fermé à double tour ne veut plus jamais connaître l'amour. Mais quand je suis d'humeur romantique, c'est bien le fait d'être cœur à prendre que je revendique. J'aimerais savoir si mon existence a quelque part une quelconque importance. J'aimerais parfois savoir qui je suis. J'aimerais savoir ce que je fais ici. Ai-je tort ou bien ai-je raison? Je suis là de prendre des décisions. J'aimerais parfois savoir qui je suis. J'aimerais savoir ce que je fais ici. Ai-je tort ou bien ai-je raison? Je suis là de prendre des décisions. Parfois je ne sais plus qui je suis. Parfois je brise la folie. Mon esprit est en pleine errance. Je ne suis que décadence. Et sonne les cloches de ma déraison. Je veux mettre un terme à cette confusion. J'aimerais qu'on me dise pourquoi je vis et qu'on m'explique pourquoi je suis ce que je suis.